machine et on enfiloche. Des aides sauvages, pas poche. J'ai pris du cash, j'ai pris de la bidoche. Eh, hey, t'es grossiste, j'en côtoie. Des bonhommes qui abusent pas de leur pouvoir. J't'aimais, j'pouvais même tirer pour toi. Et pourtant, maintenant, j'dois y gravir sur toi. Eh, hey, sors un pub, hey, j'vous laisse le pain. Vous êtes sympa, tout pas les hey, un double AP, hey, c'est là ça. C'est mille me disent qu'un ministre ne touche pas cette paye. Oh, bombier, bombier, bombier. Des flaques de sang sous nos souliers. Bah, bah, cours à bol, cash, j'suis essoufflé. Eh, hey, j'ai pas de cardio bientôt gavé. Oh, j'fais pas comme t'es mal et brava. Eh, hey, j'te confie rien, t'es trop bavard. C'est des chanteurs, bafa, ralenti. Te bois carotté, bon appétit. C'est facile d'avoir raison quand c'est toi qui fixes les règles. Mais les règles, y'en a qu'une. Tu casses pas les couilles, personne t'emmerde. Tu fais chier, on te pète les reins. Tu trahis, t'es mort. C'est la mentale. C'est la seule loi. Et tous les voyous la connaissent, y'en a pas d'autre. Salope, tiens, les bonhommes tuent. Y'a pas d'arbitre dans le terrain, peu se tue. Potier, pousse-toi, y'a de la pasta, des usines, des guitares qui font ratata. J'ai vu la chance, j'ai braqué à la courue. Vite, j'ai plus vu Thomas. La prochaine fois, je vais la séquestrer avec un ou deux gaffes. Dégage la clinique de l'estrée. Thomas, toi, zéro stress. Jamais les portes qu'on ferme la tête. Aujourd'hui, on enquête jusqu'à plus savoir. On va donner quelle adresse. C'est bizarre, puis tout à l'heure, ça jigarde dans le CH, bizarre. Litron dans le BR, vos bars sur le BR, font les pas des pizzas. On se fait tout seul, déterre. Dis-moi qui peut dire le contraire. Pas loin, pédard. Génère. En plus mon pote c'est une galère. Il a le panda. Aucun contact, aucun combat. Pas d'un contraint, que des contrats. Et l'autre jour j'ai croisé la daronne aussi. On a vu comment elle était heureuse de me voir. Je savais que c'est nous qui lui avons enlevé la vie aussi. Aussi c'est un enculé, d'accord. C'est une balance. Même pas de circonstances atténuantes, rien pire que des magistrats. J'ai